Eh bien. En tout cas, je sais pas pourquoi ça fait té comme ça. On est en plein spectacle et on se demande pourquoi il y a un té qui... Ah, sans doute que c'est... Je sais pas pourquoi. On va réessayer, voir. Té! Ah, voilà, je sais pourquoi. Té! Ah, je sais pourquoi, je vous le dirai pas. Non, mais en plus, là, c'est de la technique. La technique, ben, c'est entre moi puis moi, puis moi et moi, moi et moi. C'est des secrets intimes, là. Puis c'est aussi vous raconter le rouage technologique de cette émission qui est dépassée par le temps et tous les temps que vous voulez. Toutes les valses à mille temps, qui s'offrent encore le temps, qui s'offrent encore le temps de tourner autour de l'amour. Mais moi, ah oui, il y a le film aussi que je veux voir. Ah oui, oui, oui, Isabelle. C'est une de mes invitées qui fera partie. Parce que nous serons à trois ce soir. J'aime ça, moi, des discussions à trois. Pas juste des discussions. Trois, c'est un beau chiffre, trois. Nous serons un gars, deux filles. L'une d'elles s'appelle Isabelle. C'est à toi l'après-midi au rond-point au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends, tu y vas. Alors comme à l'habitude, mes élus se trouvent pas, tu es seul, fais comme un rat, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais lui téléphoner, ce n'est rien, ce n'est rien. Elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu es allé vers la cabine, tu la vois rigolant avec copains et copines. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber. Mais pourquoi elle ne dit rien, la salope à la vache? Elle te traite comme un chien, mais ton cœur est trop tendre. Et tu préfères l'attendre dans le café d'en face, comme un espion, comme un con. Mais enfin, au moment où ton café s'en venait, tu la vois, elle repart assise sur la mobilette de ton pote. Ou enfin, celui que tu t'en doutais, tu te dis, c'est fini, elle est partie avec lui. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, et je t'emmène au cinéma. Il n'y a pas si longtemps, un film assez extraordinaire, sympathique, intimiste, qui s'appelle « La belle personne » de Christophe Honoré. Je ne vais pas vous relater l'histoire un peu comme on fait dans les analyses filmiques ou dans les critiques, mais l'intérêt, c'est tous les microcosmes, comme je le disais tout à l'heure, les microcosmes, tous les petits circuits amoureux qui peuvent se tisser dans une vie, une existence. Et l'intérêt, c'est la façon dont on filme et dont on place les mots sur les sentiments, ça devient, si c'est réussi, quelque chose de touchant, d'émouvant et qui nous remue également nos propres vérités, nos propres passages amoureux. Et si vous avez un film à voir dans les jours qui suivent sans savoir, on est toujours là devant quel film, mon chéri, on va regarder. Puis là, hein, le chéri, hey Gaétan, moi, ça serait Rocky 1. Rocky, voyons, ça fait 52 fois que tu le vois, tu connais les dialogues par cœur, tu nous les récites à chaque fois que je pars la cassette. Puis des cassettes, moi, ma tendre épouse. C'est des DVD. Ah oui, des DVD, c'est plus des Blu-ray. Blu-ray. Blu-ray, qu'est-ce que c'est la deuxième génération? C'est DVD. Non, c'est DVD, le Blu-ray l'aîné. Voyons donc, c'est des DVD. Non, c'est des Blu-ray. Arrête donc, ouais. Je connais ça, moi, la technologie, moi. Mais j'ai acheté un téléphone portable avec un fil, moi, là. Un téléphone de... C'est portable, un téléphone... Je la porte avec moi, mais il peut pas aller loin. Le fil me coupe souvent, là. J'aime ça regarder des films, moi, sur DVD. Pas des DVD, c'est des une autre technologie. Technologie, tu sais même pas ce que ça veut dire, technologie. Ça te dépasse, toi. Ta permanente te permet pas de monter plus haut que ça, là. Ton cheveu, il est tellement crêpé, là, que même les avions te rentrent dans les cheveux. Puis quand je te regarde, là, ça a pas le goût de... Je veux pas te voir en HD, là. Je te vois déjà en direct. Imagine-toi donc toutes les... J'ai pas de défaut, moi. Moi, j'ai pas de défaut, c'est ton regard qui est rempli d'incrédulité, qui ne m'aime plus. Tu devant tes amis, tu me diminues. Ben, je te diminue pas. Je paye tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes. Quand on va dans les restaurants, je paye. Non, tu me diminues pas. Non, c'est pas au niveau financier, mon chéri. C'est plus du DVD, c'est du... Vas-tu me lâcher, toi? Moi, c'est Rocky à DVD. Tu sais, ton film de je sais pas quoi, là. C'est pas, non, c'est le monsieur qui disait ça. Le monsieur. Mais le monsieur à radio, c'est pas un monsieur, c'est un garçon. T'es bien gentil pour lui. Ah, non, il a raison. Alors, La belle province de mon ami Christophe Honoré. Film à regarder et à re-revoir. Et je dois vous dire que c'est une adaptation libre. Et ça, j'adore ça. Quelqu'un, ça, c'est amouraché d'une œuvre, c'est incorporé, c'est a voulu proposer à un public autre chose que ce qu'il a lu. Donc, c'est sa vision revue, et non pas corrigée, revue et redirigée d'un roman classique, La princesse de Clèves. Qui a écrit la princesse de Clèves? Honorable, qui a écrit La princesse de Clèves? Ça répond pas fort, hein? Les connaissances sont trop générales. Écrivez-moi. Rénal Québec, en commercial hotmail.com. Qui a écrit La princesse de Clèves? Bon, tout le monde va aller sur Internet. Clève, princesse de Clève. Ben voyons donc, oui. C'est votre Stallone? Non. En tout cas, si on vous dit ça, là, donnez-moi le lien du site et puis je ferai en sorte que ça disparaisse de nos yeux. Alors, Rénal Québec, à commercial.com. Comment? Rénal Québec, à commercial.hotmail.com. Qui a écrit La princesse de Clève? Donc, je vais terminer là-dessus. La belle personne tous les personnages sont attachants là-dessus, là-dedans. C'est un peu comme du Piala. C'est des gens qui vivent après le visionnement. Et comment s'appelle la comédienne donc qui a commencé là-dessus puis qui finit là-dedans? Commencé là-dessus, qui finit là-dedans? Monsieur... Ah, non, il dit... Ah oui. Léa Seydoux. Léa Seydoux qui s'est fait connaître grâce à ce film-là. Elle a fait 3-4 rôles avant même d'accoucher de cette belle personne, la belle personne. Et Louis Garrel. Louis Garrel, son père est réalisateur, lui est comédien, a déjà fait a déjà créé des œuvres filmiques. C'est à voir. En un mot, c'est quelque chose qui vous touchera, j'en suis sûr. Faites-moi signe si vous le regardez. Dites-moi vos commentaires. Je serai très ouvert et je vous répondrai. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne. Cadré. Oui, monsieur. Ça tourne. Action. Cinéma. Avant que je vous parle de mes deux invités, il me reste un autre prénom à vous dire. Ben, c'est Marie-Hélène qui fera partie de notre trio. Donc, rapidement comme ça, là, dans votre tête préparée, là, préparez-vous. Mais au niveau sonore, c'est très clair parce qu'on a les instruments quand même sophistiqués. En haute résolution. Qui donnera à vos oreilles toute la jouissance même de l'audio qui pourra nous titiller l'oreille pendant le reste de l'émission. Alors, non, mais je cherchais comment terminer tout ça avec quand même volupté. La volupté n'est jamais passée. Puis là, si tu attends trop longtemps la volupté, tu ne sais jamais à quel moment là, ça va arriver, là. Comme l'émission ne dure pas si longtemps que ça, elle n'est pas indéfinie. Elle ne peut pas être in vitam popermand. Donc, ou comme on dit là-bas, in vitam peppermint. Peppermint, c'est un groupe Peppermint Moon. Est-ce que vous connaissez Peppermint Moon? Ah ah, c'est mon ami Pierre Fa qui est derrière tout ça. Mais là, c'est pas Pierre Fa. C'est pas Peppermint Moon. C'est Marie-Hélène. Est-ce que tu peux recommencer? Oui, c'est Marie-Hélène. C'est aussi Sylvain Lelièvre. Oh, c'est grand Sylvain. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit 3e étage de rue Saint-Denis, est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société, née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais pays. mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mélant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur, et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mélant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. C'était Sylvain Lelièvre et je vous présente mes invités. Mais avant tout, avant de vous... raccroche ton micro, mon Jean-Pierre. Je veux vous lire un texte que j'ai composé suite au film La belle personne. Mais là, je dois aller chercher mon ordinateur parce que j'ai complètement oublié de vous l'imprimer. Et puis, il faut que j'aille chercher ça dans... Attendez un petit peu. Facebook. OK, c'est maintenant que ça se passe. Êtes-vous prêts? Attachez vos oreilles. Dilatez vos tympans. Voilà, voilà. C'est maintenant que ça se dira. Avec une voix, bien sûr, radiophonique. Comme ça, ici. Partager. Dilater. Sinon, ça va bien chez vous. OK, on l'a. Nous l'avons. Les feuilles ont sacré le camp, mais c'est pas important. Librement inspiré du film « La belle personne » de Christophe Honoré. La dissolution amoureuse semble s'envoler sous la profondeur et les fuites internes. Elle paraît se dissiper, mais elle laisse cette trace, ce passage affectif qui hante pendant toutes les... Oui, parce qu'il y a beaucoup de « p ». Puis pour un bègue, c'est pas facile. On va recommencer. Librement inspiré du film « La belle personne » de Christophe Honoré. La dissolution amoureuse semble s'envoler sous la profondeur et les fuites internes. Elle paraît se dissiper, mais elle laisse cette trace, ce passage affectif qui entre pendant toute l'existence, l'ambiance d'une vie. Ouais, je le répète. Non, tu viens de le dire une fois, là. Mais j'aimerais que la dissolution amoureuse semble s'envoler sous la profondeur et les fuites internes. Elle paraît se disperser, mais elle laisse cette trace, ce passage affectif qui hante pendant toute l'existence, l'ambiance d'une vie. Bon, ça a été dit. Public, applaudissez ou pleurez, faites quelque chose. Je vous propose maintenant mes 2 invités. C'est des gens de théâtre. Est-ce que j'ai l'air de me pencher au niveau langagier ou au niveau de la source? Attendez un petit peu, je me relève. Oh, c'est bien de se relever dans la vie. On peut se décliner, on peut perdre, mais il faut, comme le Sisyphe, remonter sa boule. Donc, Isabelle Lorieux, j'aurais pour j'aurais pu aussi commencer par mon amie Marie-Hélène Aubert. Mais la première feuille que j'ai prise par terre, c'est Isabelle Lourieux. C'est une écrivaine, une dramaturge, une femme de mots, et elle est aussi comédienne. Elle a passé aussi au cinéma dans le 7e art, comme mon amie Marie-Hélène. Le doublage, elle connaît. Marie-Hélène, le théâtre, bien écoutez, c'est son univers. Marie-Hélène, comédienne, qui aussi s'adresse aux enfants. Mais je vais m'arrêter là parce que ça risque de faire une sorte de... On va se répéter. Puis quand on se répète, ben ça donne pas bon signe aux autres. Hein? Je me souviens, lorsque Léon est passé me voir, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Puis là, mon Léon... une belle voiture, tu sais, une Transam. Parce qu'il aime avoir l'air, mais qu'il n'a pas l'air du tout, le bonhomme. Fait que mon Léon, il s'installe bien. Rénal, heureux de te voir, de te revoir. Ça fait quand même des années. Ben, ça fait 2 ans. Ah, oh, les années vont tellement vite. Les années vont tellement vite? Pour qui? Ah, oh, pour tout le monde, tout le monde. On court après le temps. On court, on court, on court. Ben, écoutez, vous là. Léon, vous arrivez en voiture. Vous êtes incapable là, de marcher plus rapidement qu'un escargot. Ah, mais là, tu me juges. Je te juge pas. Je vous juge pas. Mais monsieur Léon, je vous juge pas. Qui suis-je pour juger, moi, là? Je vous vois. Oui, mais tu devrais me vous voyez. Ben, je vous dis, monsieur Léon, je vous vois, monsieur Léon. Ah oui, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Quand on s'est connus, t'avais tout le temps raison. Tu n'as pas changé. Arrêtez de pleurer. Je pleure pas. Ça, c'est avant que je pleure. Tu sens quand même les trémolos. Ah oui, ah oui. J'ai étudié aussi à l'Acteur Studio. Ah oui, avec qui? Oh mon, avec qui? Ah, oh, c'est qui m'a... Il y a le concierge qui m'a ouvert la porte parce que j'avais perdu mes clés. De l'Acteur Studio? Mais je suis rentré très tard, la deuxième journée de l'Acteur Studio. C'est parce qu'on m'avait dit, tu es à New York, je connais pas ça New York, moi là. J'ai jamais mis les pieds à New York. J'avais mis les pieds, moi, en dehors de mon beau Québec national, fierté municipale et saint de l'esprit. OK. Mais quand on m'a envoyé à New York, parce qu'il voyait bien que moi, Léon, j'avais des talents de comédien. Ah oui? Ah oui, j'avais des talents de comédien. Je jouais souvent la sérénade à mes amoureuses. Oh, la sérénade de René Sanson de Zendang. Et c'est qui ça? Écoutez, ça, c'est pour les épicuriens. OK. Ou les turlutes dures. Comment? Les turlutes dures. Les turlutes dures. Oui, ceux qui connaissent toute la mélopée juste à travers une mélodie. Tu sais, tu commences par... Puis là, ah oui, c'est Rotterdam de Morin Herrero. Rotterdam de Morin-Nonoro. Qui? Rotterdam de Morin-Nonoro. OK. Est-ce que vous pouvez leur dire une fois? Oui. Rotterdam de Morin-Nonoro. OK. Bon, non, on ne le remettra pas en question. Il croit. Oui, monsieur Léon. Ben, c'est ça. Moi, je suis heureux de te revoir. Ça faisait 2 ans que je t'avais pas vu. Mais en fait, je t'entendais, mais je te voyais pas. Ben, c'est sûr, c'est la radio. Mais ça a toujours été ça, le problème de la radio. C'est qu'on voit pas. Ben, c'est pas un problème. Ben, au contraire. Bien au contraire, ne pas voir, c'est se créer un imaginaire. C'est un plus de ne pas voir. Ouais, mais vu de même, je vois rien, là, mais vu de même. Ben oui, mais vu de même. Écoutez, monsieur, là. Monsieur Léon, c'est moi. Merci d'être venu me voir après 2 ans. 2 ans, mais je vais être plus précis, 2 ans et 2 semaines. Parce que j'enterrais, moi. Mais je sais pas si quand je parle de ça, je suis comme un peu ému, tu sais. Ça brasse à l'intérieur. J'ai comme j'ai un hamster, mais au niveau de l'estomac, il tourne. Puis quand je parle de mon. C'est qui est mort? C'est qui est mort? Ah, bon. Parlez-en pas, là, ça va passer. Mais il n'y a pas de mon mari, il n'y a pas de mon ami. Mais voyons, là, ça ne passera jamais. Oh, il n'y a pas de mon ami. Qui est mort? Ça, c'est lourd, là, à la radio, là, quand il se passe des choses en même. Là. Monsieur ne peut plus parler. Il n'y a rien qui se passe, puis je peux pas arrêter ça pour faire peur. Hein? Donc, on ne saura peut-être jamais qui est mort. c'est quand même lourd, des discussions quelquefois. On s'imagine que tout se passera bien, puis l'émotion de l'autre coupe la réalité difficile de la vie. Ça finira pas de même. Il dira pas de Il dira pas. Il peut plus parler. Il est parti. Il est parti. Comment ça, il est parti? Mais il est parti. Il est parti. Il part de même. Mais il part de même. C'est comme ça. C'est des personnages. Ça part, ça revient. C'est... Je peux pas contrôler ça, moi, là. Mais voyons donc. C'est le clou, peut-être. C'est le clou. Mais oui, c'est le clou. Savoir, c'est le clou, toi. L'avoir su, toi, tu t'aurais senti bien. Mais, hey, je me rappelle, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé, hein, celui qui faisait de la radio professionnelle, qui était à un moment donné là, dans les hauts, puis il m'appelle, il dit, mais toi, ton problème, là, c'est que dans tes... Ah, ça, c'est bon. Dans tes improvisations, comment? Parce que là, j'ai improvisé en disant improvisation. Dans tes improvisations, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Comme si, dans tout structure narrative, il doit y avoir une chute. On en a-tu ras-le-bol de ces hurluberlus qui nous font croire qu'ils ont la connaissance absolue de tout ce qui peut s'entendre et se voir? Si je vous dis que la chute s'arrête là... moi j'aime les choses inutiles, les bonheurs tranquilles qui ne coûtent rien, les couchers de soleil sur la ville, les bibelots débiles, les orchestres anciens, le chant des bruants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent la vie moins futile. J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles, les disques en vinyle, les contes de fées, le charme fuyant d'un profil perdu dans la file des passants pressés, les langoustines sur le grill, les masques d'Échille, les parfums légers et les photos où l'on fait des milles. J'aime les choses inutiles qui nous font rêver. Moi j'aime les choses inutiles, la joie de Lucille, quand naissent les fleurs, un film de Buffalo Bill, une automobile en panne de moteur, la voix des poètes en exil, toujours en exil, du jour et de l'heure, et les couleurs de leurs chants fragiles. J'aime les choses inutiles qui nous parlent au cœur. Je rêve d'un monde indocile où les crocodiles et les orchidées auraient chaque année bissextile le droit d'être une île ou même députée. La vie n'en serait pas plus facile, l'argent moins servile, mais on peut rêver. Et tant pis si je passe pour un fossile, j'aime les choses inutiles qui donnent à chanter. Enchantée. Ça va. On devait être à l'extérieur, mais... On est bien à l'intérieur. Oui. Ouais. Okay. C'est un ami qui m'accompagnait. Bonjour. Salut. Voilà. Ça va. Rénal. Ça va. Enchantée. Voilà. Enchantée. Est-ce qu'on atteint... Elle va arriver tout de suite, là. Ah, ben voilà. Elle va arriver. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bon. Ça va. Salut. Et vous êtes bien, là? Pourquoi? Vous êtes en bonne compagnie, oui, là. Écoutez, j'en étais convaincu, sans là, aucun... Là, je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà. C'est insupportable, voilà. La compagnie. Non, vous avez raison, monsieur, vous avez entièrement raison. Voilà. Pardon, enchantée, Marie-Hélène. Ça va? Oui, ça va très bien. Et c'est facile à retenir les deux prénoms, parce que c'est deux chansons québécoises. C'est pas vrai? Ben oui, c'est pas le lien, Marie-Hélène. Mais non, mais je connais pas. Ben, je regarde pas sur Internet. Mais carrément, je vais regarder. Ça vaut la peine. Mais une chanson connue, une chanson... Ben oui, au Québec, c'est Marie-Hélène. Ça relève l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui décide de quitter la maison, la vie familiale, et de rencontrer ses parents. Au revoir. Au revoir, Laurent. Salut. Et puis, Marie-Hélène, c'est une chanson très très connue voilà. Des années 76. Tu te rends compte hein? Marie-Hélène, c'est une chanson connue des années 76 au Québec. Ben, c'est mon année de naissance, d'ailleurs. Ben, je pourrais même te la chanter, mais je ne veux pas non plus massacrer l'heure. Et... L'artiste? Exactement. Et Isabelle, ben, c'est une chanson aussi très connue. Ah, je pensais que c'était Isabelle Boulay, moi, je pensais à elle. Hein. Non. Ben, moi, je vois mieux que ça, là. Je vois Isabelle Boulay, ça, c'est du prêt à porter. Mais Isabelle, c'est une chanson de Jean Leloup. Ah, Jean Leloup, oui. D'accord, oui. Ah, Isabelle, c'est de son premier album. D'accord. Voilà. Sinon, ça va? Ben, ça va bien. Okay. Rien d'écoute. Moi, j'ai entendu parler de toi beaucoup. Par Aline Stinus. Oui. Très bonne amie à moi. Oui. Donc, ça l'a fait. Sonia, peut-être aussi. Sophie Parel, que tu dois connaître aussi peut-être. Oui, Sophie Parel. Ben oui, c'est que des amis. C'est que des amis à moi. Ok, c'est qu'elle avait repris une pièce de mon ami Michel Tremblay. Exactement. Et je les ai rencontrés. Je vais les rencontrer elle après la pièce de Michel Tremblay. À toi pour toujours. Oui. Que j'ai vu. Ben que oui. J'ai chroniqué pour ce spectacle. Moi, je suis aussi chroniqueuse. Oui, voilà. Oui. Mais c'est une œuvre intéressante parce que. Lorsque tu entends les Français jouer du Michel Tremblay, l'intérêt vient du fait qu'on a gardé certains termes québécois, Stanburn, entre autres, qui ne disent rien à personne, à part un Québécois d'une certaine époque, parce que les jeunes aujourd'hui, Stanburn, ça ne veut plus rien, ça n'existe plus, mais c'est un supermarché. Et beurre de peanut, c'est du beurre d'arachide, donc je trouve ça intéressant. Peanut, ouais. De s'accaparer une langue et d'essayer de la transmettre ailleurs qu'au Québec. Bah, c'était un beau spectacle, hein. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans ce spectacle, par moment, il y avait un peu l'accent québécois qui revenait de temps en temps. C'est le but. Mais Michel Tremblay, c'est un auteur prolifique, mais c'est surtout un auteur extrêmement joué. Là. Ouais. Norman Chorette aussi, qui est québécois. Enfin, oui, il y en a beaucoup, là, ça a été très... Mais Michel Tremblay, l'intérêt, c'est qu'il est joué dans toutes les langues. Donc, ça donne... Et vous êtes une belle équipe aussi. On est un duo de feu déjà, on a un duo explosif parce que c'est elle en fait la compagnie du saut de l'enjeu. Oui. Hein, c'est moi qui l'ai créé, mais après il y a plein de belles personnes qui se sont greffées. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quelle a été Moi je supporte pas de quémander. De demander. Et je crois avoir un univers et j'ai eu envie de... Est-ce que c'est à l'école que l'on t'a proposé ou on t'a amené le fait que tu écrivais autrement ou que tu étais vraiment pas comme les autres? Non, c'est moi. C'est moi toute seule. En fait, tu t'es auto-analysée? Oui, je me suis auto-analysée. J'ai pas eu besoin d'école. Non, à l'école, on ne nous dit rien. Okay. Même à l'école de théâtre, rien du tout. On ne nous donne aucune méthode, aucune... Okay. Et Dieu merci. On ne nous met pas sur des rails. Hein. On ne nous met pas sur des rails. On ne nous dit pas comment rencontrer les gens. C'est autre chose. Mais, ou même comment faire, quoi. Donc, moi, je me suis dit... Non, c'était... Et du coup, je suis heureuse hein, d'avoir ma compagnie et de pouvoir être autonome et de... Voilà. Puis après, on a des belles personnes qui se greffent, il y a des auteurs. Moi, j'écris pas. Donc, c'est merveilleux de rencontrer des gens qui écrivent, qui adaptent. Qui a la plume facile. Mais oui, complètement. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu écris en visant le public ou si tu te laisses aller par l'écriture et le public arrivera par la suite? Là, je pense que ce serait bien de voir ça comme ça. Non, ce serait bien, voilà. Non, mais je crois que le problème, il est là, en fait, aujourd'hui. Enfin, en France, okay. en tout cas, hein, je crois que ce serait bien de répondre à une espèce d'appel, parce qu'en ce moment, ce qui serait vachement bien, c'est de parler de ça. Donc, il faudrait que tu écrives là-dessus, ce serait bien. Parce que du coup, si tu fais ça, tu auras peut-être plus de chances d'avoir de l'argent. Ouais, l'argent. Voilà, non, mais c'est ça. Ouais. Bon, ceci dit, c'est une petite exception quand même, c'est que j'ai donc adapté une pièce de théâtre qui s'appelle « De temps d'horreur, mon cœur de Vintimans ». Ça, c'est le titre que j'ai donné à cette pièce. C'est un témoignage de deux femmes dans la Résistance, une histoire vraie d'amitié qui a bien tourné. Marie est le rôle principal de cette pièce, d'ailleurs. Ouais. Et c'est une pièce donc, qui revient sur évidemment, la Seconde Guerre mondiale, les femmes dans la Résistance, l'amitié, la détermination des femmes. Moi, je suis assez... Et voilà, bien les ça. Femmes. Alors, vous êtes féministe. on est. Moi, le terme ne me gêne pas. Hein, okay. Féministe. Moi, je suis très fière de toutes les femmes qui ont milité. Ma mère, pas ma mère la première, mais ma mère, elle m'a donné l'exemple d'une femme autonome. Non, mais elle m'a donné l'exemple d'une femme autonome, okay. indépendante, forte. Donc, en fait, sans être féministe, sans militer, forcément. Mais après, féministe. C'est un rapport trop long ou c'est. Non, c'est pas un rapport. En fait, en même temps. Moi je me dis. C'est un peu galvaudé quoi le féminisme. C'est galvaudé le mot en fait. Féminisme, ah oui voilà. Mais trouve, en France, c'est ouais. ce mot-là en fait, le mot. Mais évidemment. C'est galvaudé dans quel sens c'est un... C'est-à-dire que non, mais c'est, ben, je pense que c'est comme tous ces termes-là. C'est un féminisme, il y a eu tellement d'extrêmes dans le féminisme, etc. Après. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'extrême pour à un moment donné arriver à quelque chose? Ou en tout cas, peut-être pour se faire entendre, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand je vois les femmes par exemple, elles font des trucs de malades. Je ne sais pas moi si j'aurais été capable de faire le tiers du quart de ce qu'elles ont fait. Hein. Ces femmes-là, mais ne serait-ce que parler des femmes, en fait. Il y a des collectifs en France, il y a un collectif qui est génial, qui s'appelle Femmes-Hommes, HF, Hommes-Femmes, et c'est un collectif donc, avec des hommes et des femmes, et des hommes qui sont très féministes d'ailleurs, qui aident, en oui, fait, oui, qui, oui, qui mais veulent, c'est pas juste le collectif, bien pas sûr, non plus ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Pour que les femmes soient plus représentées dans les milieux artistiques, ouais. voilà, comme auteurs, chefs d'orchestre, directrices de théâtre, parce qu'il y en a très peu en fait. En France, quand on regarde les statistiques, c'est accablant. Non, mais des femmes jouent au théâtre, moi je suis auteur contemporain, auteur contemporaine. Bon, bah voilà, j'ai écrit des pièces, j'en ai publié une, celle que j'ai écrite, là j'ai envie de la publier aussi, j'écris des chroniques. Bon bah voilà, c'est les gens ont du mal à se dire, à nous laisser de la place. Et donc pour revenir à la question de tout à l'heure, je pense que peut-être qu'en écrivant, ou alors des trucs complètement nazes, une espèce de divertissement à 2,50 € qu'on voit sur Avignon, sur toute l'avenue de la République, on va rentrer dans un moule un peu facile, et là du coup on va devenir, on aura peut-être entendu parler de nous, mais dès qu'on s'attaque à des sujets peut-être un peu plus délicats plus pointus. Oui, et pas pour le commun des mortels, du coup c'est un peu ça le truc. De temps d'horreur, Mon cœur de Vintimans, c'est une très jolie pièce avec des belles interprètes qui ne sont pas connues mais super pro et magnifiques. J'ai quand même entendu dire la même pièce avec des têtes d'affiche, t'aurais sûrement 45 dates à Paris quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Moi je veux pas d'avoir, je m'en fous, ce que je veux c'est faire mon métier, le faire bien et faire juste avoir une reconnaissance. Enfin, ne pas me voir me justifier sur le fait que bah, si j'écris ça, c'est parce que bah, j'ai juste envie d'écrire ça. Bon, il se trouve que là, c'était les femmes et que j'écris beaucoup moins de textes comme ça, plutôt engagés, mais bon, après... Mais qu'est-ce qui t'amène à prendre la clé ? Moi, j'adore ça, moi. C'est mon truc, quoi. J'adore ça. Même si t'as rien à dire, tu... Ouais. Isabelle a toujours quelque chose à dire, ah, oui, en fait. Oui, mais vraiment, c'est quelqu'un de très engagé. Non, mais j'ai toujours... Mais là, tout à l'heure, quoi. J'attendais mon pote qui m'argente, oui. Je suis arrivée un peu en avance, et j'étais sur au relais de la butte, là, en haut, puis j'avais mon cahier, puis j'écrivais des conneries. Non, parce que j'écoutais les gens à côté qui racontaient des trucs surréalistes. Et voilà, et je me suis dit, tiens... Hey, just... Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? A waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in. Let's. Mais il y avait quelque chose à prendre. Non, mais parfois c'est une connerie, et puis du coup, cette connerie-là n'empêche qu'elle peut aussi faire partie intégrante d'un. C'est un noyau, ça peut devenir. Ouais, ça peut devenir un truc. Ouais, c'est ça. On sait jamais. On sait jamais qu'est-ce que la création peut nous cacher derrière une phrase ou un mot, ou peut-être une réaction. Ouais. Mais c'est ça, la création, c'est d'être prêt à capter n'importe quel. Moi, j'aime ça, croquer. J'ai créé un seul en scène que j'ai joué qui s'appelle Petit Poison. Et c'est que j'ai rejoué l'année dernière à Nous n'irons pas à Avignon, l'anti-Avignon. Ah, c'est bien ça, on devait le proposer au. C'est super ce festival. Parce qu'Avignon, c'est une grosse. Ah, bon, ça. Et là, c'est l'anti-Avignon, c'est-à-dire que c'est donc des spectacles toujours un peu. Bon, voilà. Enfin, il y a des très bons spectacles, mais c'est toujours un peu sur le fil du rasoir, tout ça. Et moi, je l'ai joué là-bas et je croque beaucoup. Voilà, j'observe, après, j'écris des trucs. Alors, c'était drôle, parfois moins. Mais puis il y a des gens qui se sont reconnus très très bien. J'avais écrit un texte sur les aquagymeuses, dans le truc un peu léger. Oh, oui. Et des femmes qui font de l'aquagym. Oh, oui, oui. Et du coup, je les croquais parce que je les ai vachement observées, parce qu'elles me gonflaient à la piscine. Et puis c'est parti comme ça, quoi. J'ai fait bon, allez hop. Voilà. Donc, ouais, ça part de pas grand chose. Hop, une idée, et puis ça devient un texte. Et puis du coup, bah, le texte est joué. Et puis du coup, c'est marrant. Tu penses quelque chose et, ouais, ouais, et ouais. Là, ça t'appartient plus à un moment donné. Et puis après, ça nous appartient. Ouais. Et tu laisses. Les comédiens, les comédiennes, les metteurs en scène s'accaparer de. Voilà, quand je les laisse monter, ouais, parce que là, le temps d'horreur, c'est moi qui l'ai monté, du coup, j'ai mis en scène aussi. Mais, oui. Mais en même temps, lorsque tu écris, tu vois tes personnages se placer. Un tout petit peu, parce que je bosse bah, souvent avec quelqu'un un peu à la scénographie pour avoir des idées. Donc, ouais, ça. En tout cas, sur le temps d'horreur, oui, un peu quand même. Mais Marie-Hélène, la question de toi, est-ce que c'est les mêmes ou s'il y a des rajouts? Est-ce qu'il y a des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène qui se rajoutent ou si c'est fermé? Est-ce que c'est une. Non, c'est pas fermé. C'est pas fermé, mais moi, j'aime bien travailler avec des gens que j'aime. Ok, ben oui, ça arrive un peu. Oui, j'ai juste dans le clavier, mais j'arrive. Ah non, je voulais juste un café. J'ai pris ma compagnie, c'est pour m'entourer de gens que j'aime. Après, c'est comme dans tout amour, hein, quand il y a des divorces. Ouais, ouais. Et ça existe, et il y a des clashs, et c'est comme une famille. Et puis, mais j'aime bien travailler longtemps avec. Enfin bon, après, Elisabeth, c'est une amie, c'est un coup de cœur. On est amené encore à travailler longtemps ensemble, on le sait, mais on sent se le dire. Mais enfin voilà, il y a des choses encore. Il y a une osmose. On a voyagé ensemble. Oui, ça nous a soudés, on a fait des tourner, oui, on a dans des conditions plus ou moins pas toujours faciles. Ouais, donc voilà, mais c'est comme un couple. Ouais, c'est les épaules artistiques, mais amicales, très amicales, fortes. Ouais, ouais. On passe par tous les états, quoi. On s'engueule, on s'aime, enfin, c'est une famille. C'est le revient matin, une chanson d'Alain Bachon, il revient le matin, le déchirement mais, et la réconciliation. Mais la vie, c'est que ça. Oui, exactement, et on essaie de rester quand même amis malgré les tumultes. Malgré tout. Et c'est ça qui fait que l'amitié résiste. Oui, c'est ça. Et qu'on puisse travailler encore ensemble, continuer à travailler ensemble. Et non, voilà, on s'entoure de plein de gens. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon noyau et je suis assez fidèle. Isabelle aussi. Mais donc, lorsque tu es sortie de l'école, as-tu frappé aux portes de tes amis qui étaient avec toi à l'école aussi? C'est des rencontres, en effet, dans les écoles. C'est des rencontres dans des stages. Oui, c'est vrai que c'est dans des petits micro-cours. Merci beaucoup. Ces gens. Dans la rue comme ça. Non, mais je veux dire, voilà. Lorsque tu as fait l'école de théâtre, oui. Tu as eu des gens qui ont réussi, qui se sont. Bon, et Dieu merci, j'espère qu'il y en a eu quelques-uns. Mais as-tu demandé à ces gens-là de venir avec toi dans ta troupe? Non, c'est vrai que je. Parce que je connais quelqu'un qui a bien réussi dans la comédie musicale et que c'est pas mon truc, ou d'autres gens qui sont partis dans le cinéma. Et c'est vrai que non, j'ai pas l'idée de leur proposer, mais ça peut venir un jour, pourquoi pas, je suis pas fermée à ça. Mais c'est vrai que c'est dans une sorte d'intimité que je crée mes rencontres. Et c'est vrai que j'ai pas l'idée forcément de proposer à des noms. Isabelle a essayé, on a essayé, enfin, il y a eu des essais comme ça. C'est pas toujours évident de proposer. D'abord, il y a des barrières, il y a des agents, il y a ceci et cela. Nous, on va beaucoup au théâtre. Isabelle, elle est chroniqueuse. Ben, ça aide beaucoup, hein, à peaufiner un peu. Son petit carnet d'adresse. À réveiller chez nous les plus critiques, quand tu vas pas au théâtre, comment tu peux connaître le théâtre. C'est comme le cinéma, si tu veux t'enrichir, si tu veux avoir une culture cinématographique, c'est d'aller voir des films. Donc le théâtre, quand en plus c'est vivant, tu peux aller voir des spectacles de la même pièce trois fois et voir trois choses différentes. Tout à fait, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait arrêter? Qu'est-ce que. Si tu décides toi de prendre une œuvre et de la raconter, est-ce que en un mot, je vais aller plus directement et plus facilement, est-ce que tu as des revendications que tu voulais choisir pour pouvoir placer sur la scène, histoire de réveiller l'auditeur ou le spectateur? Complètement. En fait, moi, mon thème un peu favori, mais ce qui est vraiment ce qui fait partie de moi aussi dans la vie, je ne peux pas dissocier ce que je suis dans la vie, ce que j'aime dans la vie, du théâtre. Donc moi je suis très axée sur l'écologie, l'environnement, le respect de ce qui nous entoure. De la terre. Mais vraiment, c'est depuis longtemps, très longtemps, c'est pas né du mode maintenant. Ouais. Ça fait longtemps, donc j'ai un spectacle qui s'appelle Voleur, la sorcière et le petit peuple vert qui tourne depuis déjà plusieurs années et voilà, j'en mets encore un en route qui va se jouer dans les jardins partagés, les jardins, voilà, et puis bien sûr les femmes. Alors tu désacralises aussi le théâtre en le sortant de la femme. Oui, je le désacralise exactement, c'est la première fois que je vais faire ça et j'ai jamais fait ça, mais j'ai eu envie de sortir de ça justement et d'aller à la rencontre des gens mais sachant qu'on l'a déjà beaucoup fait de sortir le théâtre de la cellule théâtrale parce que faire ça aussi, on voulait libérer la scène de son carcan pour puis Villard a fait ça aussi et il se trouve que on s'est accompagné, on a fait des tournées avec la SNCF en France dans les villages vacances. Mais rien que ça déjà, c'est que c'est génial parce qu'ils veulent voir des artistes et c'est assez génial, mais parfois on se retrouvait à jouer, alors il y avait quelques théâtres, puis il y avait des salles de classe et puis du plein air et puis se retrouver sur des trucs complètement surréalistes ou sous des tentes, on avait joué sous une espèce de grosse tente. Donc déjà ça a amené le théâtre, mais je pense qu'en fait c'est un de nos points communs aussi, c'est que il n'y a pas de starisation là-dedans. Évidemment demain moi j'ai une Molière de la meilleure hauteur pour tant le mieux. Cahier, par exemple, ma nouvelle pièce. Bon, je vais pas faire, non. Je veux rester sain. Non, mais c'est génial. Ou tes pièces, quand elles sont jouées par d'autres, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, ce que disait Villard d'ailleurs, c'est que le théâtre, ne doit pas doit se déplacer vers et ne pas attendre qu'on vienne vers lui. Voilà, c'est vrai que et c'est vrai que c'est super d'aller vers d'aller vers les autres et donc du coup pour ça il faut aussi être à l'écoute aussi de ce que les gens ce qu'ils n'ont pas chez eux il faut aller leur donner. Le problème c'est qu'en France on ne donne plus si tu veux les moyens de faire ça. Voilà. Donc il faut avoir du fric, il faut avoir des producteurs, et puis les producteurs ils sont 10 à Paris à peu près à se tu vois à se nanana à monter des grosses pièces avec des grosses têtes d'affiches. D'ailleurs, tu vois déjà sur les colonnes, là, moi qui suis chroniqueuse, donc il y a les dossiers de presse, il y en a déjà, t'as déjà, je sais pas, mais t'as 20 spectacles avec des grosses têtes d'affiches qui sont en train de tuer déjà tous les autres spectacles qui vont faire. Voilà. Mais ils ont les gros prods. Et ces gens-là, je ne suis pas sûre qu'ils connaissent vraiment le théâtre. Ils connaissent l'argent, le fric, la rentabilité, le marketing. C'est des économistes. Vente privée. C'est des économistes. Et là-dessus, on est en. Ils ne prennent pas de risques. Non. On ne prend pas de risques maintenant, on prend peu de risques. Ça a beaucoup changé. Mais ta troupe, si tu as voulu ça, c'est qu'à un moment donné, on aura le bol de frapper aux portes, on aura le bol de. On frappe toujours aux portes, hein, mais disons qu'on. Oui, mais au moins, c'est une troupe. Voilà. Donc, c'est un organisme. Exactement. C'est pas une comédienne, c'est donc un projet qui est beaucoup plus intéressant et presque monté. Donc, tu cherches une salle, tu cherches un endroit pour représenter, pour jouer ce que vous avez. Complètement, l'identité, c'est la troupe, c'est la compagnie du Solange. Ouais. C'est vrai que moi, c'est pas que je me. Enfin, est-ce que je me cache? Peut-être, je me cache. Peut-être moi, j'ai pas eu envie de. Comment expliquer? Oui, l'idée de la troupe, d'être avec les autres, c'est vraiment quelque chose que j'aime, en fait. Est-ce que c'est venu de l'école? Peut-être en montant des spectacles dans les oui, peut-être au contact des autres. Oui, certainement, oui, il y a eu sûrement ça, inconsciemment. Ah, c'est ça que j'allais dire. Oui, l'idée, peut-être c'est dès la cour de récré, je ne sais pas. Non, mais toi, tu as fait une école de théâtre. Oui, j'ai fait une école de théâtre. Voilà, mais quand je parle d'école, c'est l'école de théâtre, oui, bien c'est sûr. Pas l'école. Non, mais je reviens à l'école aussi. Parce que... mais non, complètement, oui, c'est certainement ces livres-là, bien sûr, de cette... émulation de ce qui se passe quand on est un, deux, trois comédiens sur scène, oui, bien sûr, quand on travaille une scène, oui, sûrement. Bluebirds fly. wake up where the clouds are far behind me. RLMF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Dallier. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, I get your kicks on Route 66. Timely tip. When you plan to make that California trip, I mean, get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. A doobie doo and doobie doo dot. And races, my baby don't care. care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Scolaire, oui. Puis aller vers les autres, parce que d'autres qui ont fait d'autres écoles, donc on n'a pas appris les mêmes choses que nous. Souvent, c'est moi aussi, j'ai fait une école de théâtre en tant que comédienne, mais. Enfin, en tant que comédienne. Mais moi, j'ai commencé le théâtre à l'école avec mes parents déjà, en petite. Donc, c'est un truc qui m'a toujours poursuivi. Voilà, c'est toujours une anecdote que je raconte, mais ça me fait toujours rire quand je parle à des gens comme ça. C'est que, en fait, donc mes parents étaient instits, mon père directeur d'école. Qui aimait beaucoup la culture à l'école, hein, qui était plutôt pro-culture à l'école, donc c'est mon père qui nous faisait des pièces avec ma mère, tout ça. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais être comédienne, il n'a pas voulu. Et je lui ai dit, mais attends, quand même, c'est un peu à cause de toi que je veux faire comédienne, parce que ma première pièce, j'étais en CE1, je ne me souviens pas de ce que c'était, hein, mais la grande pièce que j'ai jouée en CM2, c'était Jean Valjean, enfin, c'était Cosette, c'était la scénette des Misérables, et moi je jouais Jean Valjean à 10 ans, quoi. Et je me dis, c'est quand même assez impressionnant. Mais ouais, et du coup, évidemment, je n'ai pas un souvenir de dingue du texte, mais par contre, je me souviens du public. Je dis, c'est formidable, le théâtre, c'est génial. Voilà. Et du coup, et c'est ça qui est super, c'est qu'après, après, on va continuer, on fait des écoles, et on a chacun une méthodologie, on apprend des trucs, et puis on va rencontrer un tel qui a fait une autre école et qui a plus bossé d'autres textes. Donc, on se prête des textes, on bosse ensemble. Et c'est là que naissent les troupes aussi, que naissent les troupes. Et je trouve les belles histoires de théâtre, le Splendide, c'était ça au début, le Café Théâtre, c'était ça beaucoup. C'était ils se connaissaient du lycée, mais certains avaient fait cette école, celle-là, puis ils se sont raccordés. Il manque ça aujourd'hui un petit peu, quoi. Étant comédienne, Isabelle, est-ce que tu écris en voyant une autre comédienne jouer le rôle ou si tu trouves les comédiens après coup? Ça dépend, mais souvent j'ai des idées. Ok, alors tu écris souvent pour une comédienne ou une comédienne? Ouais, parce que j'ai plein d'amis très très talentueuses qui... C'est plutôt féminin ou les deux? Ben là, pour le coup, depuis quelques temps, c'est très féminin. Et là, alors, est-ce que c'est un message? Oh... Non? Ouais, non, je suis pas un message. Moi, ceux qui me connaissent, ils sont pas tellement okay. surpris. Ok, ça, que, ouais, c'est tout à fait dans le créneau que tu... Non, mais là, c'est marrant parce qu'on vient de... Je vais repartir sur un nouveau projet, sur le MLF, quoi. Le mouvement de la libération des femmes. Ouais. Bon, ben, voilà, j'ai un roman à lire que je vais adapter au théâtre, probablement. C'est un peu ce qui va se passer. Et il y a déjà... C'est génial cette histoire, c'est une super nana qui raconte son combat, voilà, qui elle vient d'une famille super catho, enfin vraiment, donc rien, elle va complètement tuer les règles familiales, c'est génial hein, ce qu'elle raconte. Oh, oui. Elle a 84 ans, elle a encore envie cette femme d'ailleurs. Okay. Et voilà, il y a déjà, se dresse déjà, je sais pas, le portrait de 8 comédiennes quoi. Et je sais déjà qui va faire quoi, parce que je les connais, c'est mes amies certaines, on aime bien bosser ensemble. Bon, je serais pas à l'abri de prendre peut-être un nom s'il y a besoin de prendre un nom. Enfin, mais Sophie a fait ça, Sophie Parel, pour ouais. son dernier spectacle, ouais. L'adaptation de la pièce anglaise. On est obligé parfois, voilà, pour avoir de l'argent, mais ceci dit, moi j'ai quand même des. J'ai vraiment des amis très. En plus, elles sont douées. Enfin, est-ce que tu as le goût de jouer dans tes propres pièces ou tu laisses ça aux autres depuis quelques années? Je laisse ça aux autres. Hein, oui, depuis quelques années, c'est oui. Hein. C'est vrai. À part le petit poison. Alors, j'ai... est-ce que tu as endormi la comédienne qui était en place? Non, parce qu'elle se réveille ailleurs. En fait. Ok. Oui, mais elle se réveille pas sur scène, elle se réveille après. Si, elle se réveille. Bah, disons, petit poison, j'ai été mis en scène. Mais du coup, je ne l'ai pas joué depuis un an. Donc, ça me manque un peu parfois. Ouais, j'aimerais bien le rejouer. Parce que j'aime bien ce spectacle, il me touche beaucoup. Et puis si, oui, parfois, mais j'envie pas mes comédiens, quand je les vois jouer, par exemple sur De temps d'horreur, tout ça, je me dis c'est super, je suis contente, quoi, voilà. Mais ça te marche pas? Si, mais je vais chercher ailleurs, je fais pas mal de trucs pour je fais des castings de pub, du court-métrage, des petits trucs comme ça, donc en fait, moi, je joue autrement. Mais le théâtre, si ça manque un peu, j'aimerais bien jouer un... Pour le MLF, je pense que je m'écrirais un rôle, quand même. Je serais sûrement une femme de poigne ou... C'est ça, j'avais dit, quelle sorte de femme? Je fais une table de poing sur la table. Non, je sais pas, je une sais pas. Une femme qui est loin de toi ou une femme qui... Non, mais loin de moi, ce serait bien, ouais. Ok, mais j'ai pas ce que c'est. Une femme à frapper sur la table? Non, mais moi, même pas en plus, c'est vrai, je suis très docile. Non, c'est vrai, non, mais ce que j'aime bien, c'est ces rôles-là, mais c'est bien d'aller... C'est sympa de jouer ce qu'il y a de très loin de soi. Ben oui, c'est parce que ça vous révèle aussi, ça vous révèle à soi. C'est incroyable comment ça révèle. Et que ça peut même modifier, apporter des choses folles. On ne se rend pas compte, mais c'est fou. Quoi. Moi, dans De temps d'horreur, mon cœur de vénance, je joue Marcel Baron, qui est résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais été résistante. Elle avait un caractère, mais vraiment... une femme, autoritaire, enfin, ouais. Une femme pas facile. Une femme de tête. Et moi, je suis pas... Enfin, morte à 101 ans, donc autant dire qu'elle est... Les cons... Mais un sacré caractère, oui. C'est fou, mais c'était la rencontre avec cette... Je la connais pas, cette femme. Elle est morte il y a quelques années, à 102 ans. 101 ans. 101 ans. Mais je la connais maintenant, je sais qui elle est, parce qu'on m'a beaucoup parlé d'elle et elle m'a apporté, elle vit en moi, voilà. Et ça l'a métamorphosée, Marie. Mais moi, je l'ai connue avant ça, et je trouve que ce rôle m'a apporté énormément. Lui a apporté beaucoup de choses, personnellement, mais puis en tant que comédienne. Bien sûr, parce que du coup, elle est partie sur... C'est magnifique, hein, ce rôle. C'est super de voir l'évolution d'une comédienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on on s'incarne dans un rôle, il y a des fragments qui nous restent en tant qu'être humain, et ça fait de toi quelqu'un de beaucoup plus militant, beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus militant, de beaucoup plus éclairé, humain aussi. Ouais. Mais vraiment, oui, mais sincèrement, c'est fou. Je ne pensais pas, parce que ça dépend de quelle rencontre. C'est comme toutes les rencontres dans la vie. Mais là, ça a été une rencontre aussi d'un personnage, une femme, une grande. Et oui, ça modifie forcément. Isabelle aussi, la rencontre avec Isabelle aussi m'a apporté beaucoup. Ah, séquence émotion. Parce qu'Isabelle est quelqu'un très engagé, et elle m'a apporté ça. Alors, je lui ai sûrement apporté autre chose, je ne me rends pas compte, certainement. Mais elle m'a apporté ça, cette exigence-là aussi, regarder le monde, être engagé. Isabelle est quelqu'un de... C'est une femme en colère, elle n'aime pas l'injustice, moi non plus. D'ailleurs, c'est aussi ça qui me rapproche. Mais c'est vrai, je sais, les gens modifient forcément quelque chose et c'est fabuleux. Mais est-ce que vous remettez souvent en question les idées préconçues, surtout au niveau des femmes? Pourquoi tu dis oui à mes... Oui, parce que ma sœur est auteure dans la compagnie. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Okay. C'est ma sœur jumelle et elle a écrit deux spectacles de la compagnie et là elle est en train d'écrire une pièce qui s'appelle Le Vestiaire. Et elle veut le vestiaire. Ah, le vestiaire, oui. Et ça va parler justement du genre. Le genre, l'idée qu'on a du genre, le genre masculin, féminin. Et pourquoi on nous met dans une case, voilà, et ça va un peu éclater tout ça, donc ça parle du genre, transgenre, de tous les genres. Et voilà, c'est pour ça les idées préconçues, on aime bien les... Une sœur jumelle en création, c'est quand même... C'est fou, hein? Ben, c'est intéressant, Ouais. On voulait pas, hein, on voulait pas du tout, mais ça se... Ouais, mais elle est très autonome, sa sœur, c'est ça qui est bien aussi, elle est très autonome dans le travail, donc il n'y a pas de... Après, si, entre elle et entre frangines, mais je veux dire, dans le travail, en règle générale, dans la compagnie, elle est très autonome, elle fait ses trucs, elle écrit, est-ce elle que propose... Est-ce que tu t'as pris après coup, ou vous étiez soudée au début de la compagnie? Disons que ma sœur... On est toujours... une éternelle discussion que j'ai avec elle. Donc c'est quelqu'un de... très cultivé, ouais. Très littéraire, tout ça. Donc elle m'adore aussi sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'on... Et petit à petit, elle est venue comme ça dans la création. Ça a été très timide au début. Et elle s'est révélée aussi dans l'écriture, comme Isabelle. Et je me rappelle plus la question. Non, mais c'est parce que il me semble que... En fait, la phrase première, c'est que... Étiez-vous soulevé... À l'origine. Non, avais-tu la vision de prendre la sœur jumelle dans ton... Non, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait... Automatiquement. Spontanément. Voilà. Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. that I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love on nobody else. Spectacle jeune public, oui, elle a participé, ça, elle a participé, elle a écrit d'ailleurs. Petit à petit, on n'était pas parti pour encore travailler ensemble. Ma sœur fait d'autres choses dans sa vie. Et puis, on participe ou dans d'autres. En fait, elle travaille. Ma sœur est végane. Ah. Elle travaille dans une. Elle est très intéressée. Enfin, comment dire, appartient à une communauté, la communauté végane ici, et elle travaille auprès d'une femme qui a créé des ateliers culinaires pour promouvoir le végétalisme en France. Et elle est très engagée aussi sur la cause animale, les droits des animaux. Moi aussi. Alors, tu es végétarienne ? Moi, je suis végétarienne, oui. Okay. je suis très engagée au niveau des droits des animaux. C'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Et donc, c'est ça. Elle, c'est beaucoup ça, le militantisme auprès des animaux. Et il y a l'écriture aussi, voilà, et l'écriture, et ça lui prend aussi... Et lorsque vous jouez pour des enfants, contrairement aux adultes, vous essayez pas de jouer à l'enfant lorsque vous avez des rôles, vous jouez comme si c'était des êtres aussi intelligents que les adultes. Oui, vous infantilisez pas le jeu. Ah ouais, non. Ça, oui, ça c'est ouais. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça c'est important d'ailleurs. Oui, c'est une très bonne question parce que justement. Vraiment, en tant que chroniqueuse, quand je vais voir des spectacles, rarement des spectacles jeunes publics parce que c'est pas mon créneau. Non, jamais, hein. Tu connais pas tes propres. Non, bah non, parce que ça fait un peu. Non, mais tu peux changer de nom aussi. Tu peux pas. Par contre, le rédacteur en chef, il le fait. Mais il est aussi au Charlie Hebdo et il le fait quand il va voir mes spectacles avec son sens critique et tout ça. Ok, mais je croyais que lui aussi écrivait des pièces, mais il changeait. Non. Lui, il est vraiment journaliste. Il est journaliste, tout ça. Et puis en fait, les revues, laquelle c'est une vieille revue qui a 25 ans d'existence. Et en fait, il y avait un vrai parti pris au départ, c'était si on n'aime pas, on ne dit rien. Okay. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très très bien le milieu artistique, il a été lui-même comédien il y a très longtemps. Si on n'aime pas, on ne dit rien. Voilà, parce que... Pardon ? Non. C'est pas moi, c'est toi peut-être. Non, c'est la dame qui est au toilette. Et du coup, comme il trouve qu'il connaît l'envers du décor, il sait que monter un spectacle, c'est beaucoup de sueur, travail, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, pas financier malheureusement, mais enfin, si financier de la part des trucs. Donc si c'est pour broyer à peine sorti comme au cinéma, il y a des mecs qui pendant 3 ans, 5 ans, ils sont sur leur film, arrivés, ils se font démonter. Là, c'est un peu la même chose. Mais toi aussi, t'as suivi cet adage-là. Si tu n'aimes pas, tu n'en parles pas. Ouais. Sauf que moi, il me laisse un peu carte blanche parce que j'avais écrit une chronique un jour sur un spectacle. Je sais plus. En fait, j'avais pas vraiment aimé le spectacle, mais j'avais aimé un truc dans le spectacle qui devait être genre le décor. Okay. Qui était pourtant, j'aime pas le décor en général. Okay. Et puis, du coup, j'avais fait tout un texte sur oui, alors la porte, nanana. Et du coup, ça l'avait fait rire. Il a fait, bon, on va la garder quand même. Bon, subliminalement, voilà, c'est que bon, je revenais pas vraiment sur les comédiens, mais c'était quand même très rare parce que en plus, je vais voir aussi des super grandes pièces avec machin et trucs. J'adore aussi aller voir des gens pas connus dans des petites caves parce qu'il y a des trucs super et que du coup en général là, même si j'ai pas aimé, on parlait des enfants. On parlait des enfants. Alors vous jouez pas autrement parce que vous adressez aux enfants et vous écrivez. Toi, est-ce que tu écris autrement parce que tu écris aussi pour des. Bah non, j'ai pas écrit. Peut-être que je pourrais le faire, mais j'ai jamais essayé. Okay. Mais c'est intéressant cette question. Ouais. Parce que dans Voleur la sorcière, le spectacle du moment pour enfants, c'est vrai que notre metteur en scène, Laetitia Richard, nous a vraiment fait jouer de façon exactement comme si on jouait une pièce pour adultes. Mais l'écriture, c'est vrai, était peut-être un... Enfin, maintenant, hein, je la vois, est peut-être un peu... pourrait être plus... plus, comment dire... oui, ça... Oh, j'arrive pas à parler. C'est pas bêtifiant, mais c'est vrai que c'est gentil comme univers. C'est vraiment gentil, les messages sont simples. Et c'est vrai que ça pourrait être plus complexe. Ça pourrait être plus exactement. Donc, ma sœur, c'est un de ses premiers spectacles qu'elle écrivait. Et c'est vrai que maintenant, je pense qu'elle écrirait différemment. Et que, parce qu'on évolue. Et que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir peur de parler aux enfants comme à des adultes, ou presque. Enfin, je veux dire, en effet. Ouais, mais je pense que tu te. Parce que justement, l'avantage de Pollueur la sorcière, un spectacle qui est quand même qui a vraiment plusieurs années d'existence et qui marche bien, qui a peut-être d'ailleurs nous emmené au Maroc cette année. En tournée, En tournée. Je pense que justement c'est ça aussi, c'est que c'est un spectacle qui est aussi écrit. Moi j'ai un petit garçon qui l'a vu, il a 7 ans aujourd'hui, il a dû le voir 4 fois, ouais. Paul Weir. Ça marque, il y a des chansons qui sont bien écrites, vraiment bien écrites, qui marquent vraiment l'esprit, parce que les enfants les rechantent, etc. Et je pense que rajouter un peu plus de lexique, et encore même, c'est pas un problème de lexique d'ailleurs dans cette pièce, peut-être de plus de sérieux ou plus d'être peut-être plus moralisateur ou plus. Je pense qu'en fait ça embêterait, puisque pour voir un peu ce qui se passe en jeune public, dès 3 ans et demi, 4 ans, c'est un spectacle hyper visuel aussi. Okay, et que ça, si on y rajoute un peu de. C'est trop de long lourdeur, pour 3, 4, si on a pesanti le texte, c'est juste pas possible. Et il y a très peu de spectacles jeunes publics qui sont finalement un peu interactifs, mais pas trop, on prend pas les gamins pour « gna gna gna » les tchoupi tchoupa, tous ces machins-là, c'est pas possible. Moi j'en ai vu des trucs, les Peter Pan à Bobino, mais c'est juste catastrophique. Je prends vraiment les enfants pour des cons pour le coup, les parents avec en général. Tes parents ont un peu plus de discernement. Mais du Pollueur la sorcière, moi je trouve que c'est bien écrit. Je trouve bien écrit et qui nécessite pas. Parce que les chansons, il y a 5 chansons super de la sorcière et elles sont bien amenées. Et c'est bien, oui, ça, c'est vraiment un spectacle pour les 4-5 ans, ça marche très très bien. Après, je parlais d'un tranche d'âge plus. Oui, après, c'est des choses un peu plus. Mais bon. Comment vous faites quand la réaction des enfants commence à délirer, quand la salle est... C'est facile. Justement, ça nourrit, c'est magnifique. Parce que, la pièce va durer quoi? 30 minutes maximum? Oui, ça dure 45 minutes cette pièce. Oui, c'est fou. On les tient bien. Bah oui, mais ils tiennent et ils sont... C'est des chansons qui aident sans doute. Ah oui. Voilà. C'est visuel. Okay. Ah oui, il y a un arbre qui parle. Ah oui. Okay. C'est très féminin pour le coup encore. beaucoup de sorcières, de fées. Mais il y a un arbre. un arbre quand même qui parle. Il y a quand même un homme et une marionnette, oui. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de vrais hommes avec nous. Tiens, c'est des femmes qui jouent les hommes. Vraiment qu'on s'interroge. C'est des femmes qui jouent les hommes. Non, ce sont des objets. Des objets. Et on a des régisseurs. On avait une super régisseuse aussi. On l'a plus parce qu'elle est partie, elle part partout en Italie. Mais on adore les hommes. Mais en même temps, tu veux que ta troupe soit uniquement féminine? Non, pas du tout. Okay. Ça se fait comme ça. Je crois que c'est vraiment. Je crois que moi, je m'entends. Moi, je suis. Je m'entends vraiment bien avec les femmes. Okay. J'aime les hommes pour d'autres choses. Oh, j'adore. Mais vraiment, les femmes. C'est vrai, il y a le côté fraternel, quelque chose de plus en plus. Ouais, t'aimes les femmes. Ouais, de plus en plus. Oh, avant ça, c'est genre là, le scoop, attention. Le scoop. Non, pas du tout. Non, mais elle est plus à l'aise avec les femmes. Moi, je l'ai connue, elle n'était pas à l'aise avec les femmes. Ouais. C'est un scoop, je veux dire. Mais maintenant, c'est vrai, elle est très à l'aise avec. Mais c'est la troupe qui t'a comme. Ouais, peut-être c'est mon métier, sûrement, mais je sais pas. Non, puis elle est. Ce qui est génial chez elle. C'est pour ça que j'adore cette fille, mais alors là c'est pas du tout parce qu'elle est là, elle n'a pas tout lui dit. Je suis super vénère avec ça parce que je crois que c'est savoir ce qui peut. Non mais ce qui est génial c'est que parce que moi j'ai vraiment bossé beaucoup avec elle, on est partis en tournée ensemble, etc. Et c'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'on dirait pas comme ça, ces petites airs comme ça, elle parle un petit peu comme ça, un petit peu tout de c'est que s'il y a un truc qui va pas. Mais alors, c'est la première affaire. Ok, bye. Ah, puis alors, moi je l'ai vu quand même, parce que c'est quand même c'était génial, c'est qu'on était on bossait ensemble, on montait des spectacles avec des ados, et puis un jour,